بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم اكتفى، أما بعد. Vas-y. Tamam. Donc Yanné, ce qu'on a vu dans le son, c'était quoi? La première chose nouvelle, laquelle? Laquelle on avait dit quoi? Istidrak. C'est quoi le mot istidrak? Dans le sens que la deuxième phrase, elle prend dessus sur la première, comme si la première n'existait pas. Voilà, en gros, c'est venir rectifier. En gros, pas rectifier, mais ça peut laisser sous-entendre. Maintenant, dans le texte, qu'on a dit, ils sont de pays différents. Yanné, t'as mis dans un contexte de différence. Là, il veut stopper cette différence-là, enlever ce contexte de différence. Il vient avec laquelle pour enlever ce contexte-là. Que tu peux penser, Yanné, que leur dîn, il est pas quoi? Il est mortalif et l'akhri. C'est pour ça qu'il a dit laquelle. Maintenant, tu vas dire Amrun, tayyibun laquelle, kaslan. Tu peux penser qu'il est tayyib dans toutes les choses. Lakin, lorsque tu viens ça va bien enlever. Il n'est pas tayyib dans tous les wujuds, dans toutes les choses. Lakin, dans certaines choses aussi, il est pas rachat. Lakin, qu'est-ce là? Lakin, wa, c'est ima, c'est loi, bien en plus. L'orienté, wallah, alam, ce qui est voulu ici, c'est lakin, avec le mouchaddad. Mais il y a le mouchaffaf, kadalik, celui qui n'a pas de chidda. Celui qui n'a pas de chidda, il a aucune influence sur ce qui va venir après. Lakin, celui qui est chidda, لكنه الله مثلا لكنه الله تمام لكن lui il rend dans le mubtada il va le rendre mansoub et le khabar il va le laisser comme il est marfou. Maintenant tu vas dire là si jamais ça aurait été le mushaddada, c'est à dire lakin shadda, tu aurais dit quoi? ولكن دينه واحد دينه واحد كما ساخر مثلا دينهم واحد هذا مبتدا هذا خبر دينهم مبتدا وهو مضاف مضاف اليه واحد خبر. Si jamais tu ramènes l'akin avec la shadda, l'akin, ça va rendre quoi le mubtada? Mansoub. Avec une fatha. Tu diras l'akin avec le shadda, l'akin dinahu. Wahid. Ça c'est la spécificité. La spécificité dinahu. Voilà. C'est comme on va voir, c'est comme il fait, il œuvre comme œuvre inna. On va voir inna, lorsque tu rentres inna, il rentre dans les phrases nominales. Lorsqu'il rentre dans la phrase nominale, c'est-à-dire mubtada wa khabar, il va rendre le mubtada mansoub. Inna Allah. Tu vois, si tu viens, tu regardes bien dans le Coran, tu verras s'il y a inna et ensuite il y a une phrase qui est un mot qui vient après, il sera mansoub. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Qu'est-ce qu'il a fait l'ayat? Inna. Donc lui, il procède comme il procède inna. Inna nahnu. Inna nahnu. En fait, c'est min tawkid. En vérité, c'est inna. Le nun là, c'est nun et mutakallim. Si tu fais l'Arab, tu vas dire inna harf tawkid. Le nun, tu vas dire mubtada ou ismu inna, puisqu'il ne s'appelle plus mubtada. Le fait que inna est rentré dedans, ça devient le nom de inna. On ne dit plus que mubtada. Aslan, c'était un mubtada khabar. Mais le fait que inna est rentré dedans, c'est devenu quoi? Ismu inna. On va le voir ça. Là, c'est la même chose. Si je me suis arrêté mushaddad, lakinna dinahum. Là, c'est la même chose, tu diras quoi? Et Wallah Alam, parce qu'ils disent que l'akinna, c'est celui qui rentre dans quoi? Dans le jumla qui sont ismiya. Tu vois? Lui, sa spécificité, la spécificité, c'est que qui rentre dans les jumla qui sont ismiya. L'akinna, Wallahu Alam, il n'a pas voulu le mettre dans le sens où il n'a pas voulu alourdir. T'as même la leçon. Alourdir la leçon, c'était plus une révision. Il y a plus de vocabulaire, t'as même plus d'expression. L'akinna, akin, si jamais il ne prend pas de mouchad, il n'a pas, une tanwin, son nun, on lui dit il est mukhaffaf. Le fait qu'il est mukhafaf, il ne met pas l'amal. Lakin adinuhum wahid. Et celui-là, il est plus spécifié. Il est plus spécifié. Pourquoi? Les phrases qui sont verbales. Lakin, celui qui n'a pas de shadda, il rentre dans les phrases qui sont verbales. Ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul walakin walakin rasul Allah. En fait, le nom du passage, c'est une règle de tajwid. Lakin walakin rasul Allah. ولك رسول الله وخاتم النبيين تمام mais تمام ça peut du tawkil ça peut non là ça peut être dans le sens où tu dis walaki et tu précises en gros ça peut laisser entendre ou là c'est même pas l'idrab ou yani comment ça s'appelle quelque chose qui est encore mieux tu vois c'est pas votre père lakin encore pire que votre père c'est le prophète c'est même pas bal بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل هو كاذب بل هو شاعر تمام؟ ça c'est même pas bien en gros il veut monter d'un échelon تمام là c'est même pas والله أعلم تمام c'est même ذلك الباب ça harf ça harf c'est درك mais comment ça peut être une harf alors qu'il y a tout on avait dit un ism c'est la différence entre un ism et une harf غالبا parce que مثلا على c'est un harf il a trois lettres Et là, on va entrer, Inch'Allah, dans la 22. Inch'Allah, demain, on finit le temps, Inch'Allah. Qala, al-dars, al-thani, wal-ishurun. Qala, hami, qala, hamidun, tabibun. Mubtada, khabar. Qala, hamidun, tabibun. Wa zawjatuhu, mudarrisatun. Donc, hamid, c'est... Vas-y, je lis, toi, tu traduis. حامد طبيب وزوجته مدرسة واسمها اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء حامد a 4 fils 4 enfants 4 Abna, c'est. Quatre, non, quatre fils. Parce que le Abna, c'est les garçons. Le Walad, c'est les enfants. Ah, donc là, on dirait, Hamid, il a quatre garçons. T'as même Hum Hamza. Hum Hamza, tu vois Uthman, ou Ahmed, ou Ibrahim. Il apporte tout de suite un point disant comme quoi. Là, c'est comme si tu dis, c'est, ils sont. Hein, ces quatre enfants sont. Quatre enfants sont. Tu vas me faire une phrase pour expliquer. Ouais. Ces quatre enfants sont Hamza, Athman, Ahmed et Ibrahim. Regarde, là la particularité de ce darsh-là, c'est quoi? Al-mamnu' min as-sarf. Al-mamnu' min as-sarf, ça veut dire as-sarf, c'est tanwin. As-sarf, c'est-à-dire celui qui ne prend pas de tanwin à la fin. À la fin, il ne prend pas de tanwin, quoi qu'il en soit. Il ne prend pas de tanwin. Et on va le voir. Pourquoi? Il y a plusieurs sortes. On a pu voir, nous, à travers les noms propres. Que celui qui est un nom propre, masculin et qui était sous la forme féminin, il ne prend pas de tanwin. On a pu voir Kadaleka, les noms féminins, les noms propres féminins, Kadaleka, il ne prend pas de tanwin. On a pu voir aussi Kadaleka, que tout ce qui est sifa, ou bien qui est un nom, avec un ajout de alif ou un nun, nous on a vu les sifa. Les sifa, les qualificatifs, avec lesquels il y a un alif et un nun. Comme on a vu, Kaslan, Achan, tout cela. Si jamais il y a trois lettres avant, c'est qu'il y a A, Ta, Sha, Alif, Nun, Bahda. Bichar, qui a trois lettres avant, ça va quoi? Mettre le nom, il sera. Il va être Kavalaka, il prend pas Tanoui. Et là, on va le voir, Kavalaka, c'est les prénoms. Tout ce qui est prénom, qui se file avec Alif, Nun, et avant le Alif, Nun, il y a quoi? Trois lettres. Il ne va pas prendre de Tanoui, Kavalaka. Uthmanou, tu ne dis pas Uthmanou. On va le voir, Kavalaka. Là, c'est le même nom, Nasar. Et c'est bien qu'il fasse ça, qu'il le mette à la fin. Parce qu'il disait que al-mamnu' min as-sarf, si jamais tu le mettais au début, les gens ils allaient yansarifun. Parce que mamnu' min as-sarf, c'est celui qui. C'est tout le reste. Ani sarf, c'est. Tu peux comprendre comme ça. tu peux comprendre ce qu'il y a avec le mahna yansarif. Ma'amna menasar, ma'amna ish, la yansarif. Elle n'y part pas. En fin d'arabe. فكان يقولون لا تقدم الدرس في الممنوع من الصرف وإلا سينصرف. سنبقى فيها. يدي ملو لفا فيكون هو فيكون له ممنوع من أن ينصرف. Si jamais tu le mets à la fin, il va pas fuir. Parce que si tu le mets dès le début, il va comprendre que, il va penser que l'arabe, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que tu vas voir les gens dans Moutamima, مثلاً, lorsqu'ils donnent le cours, ce cours-là, ils mettent le ممنوع من الصرف à la fin. Malgré que même dans le sens, c'était vers le début, parce que les gens ils voient que c'est un peu compliqué. Ils voient que c'est compliqué, peut-être qu'ils se disent « Ah, Nahou, c'est ça, Nahou. » Vous arrivez en français. Donc, même dans le sens, c'est bien ce qu'il a fait. T'as? Ça, c'est sage. Le fait de l'avoir, le retarder. On était où, là? Donc, « Qala, Ahmadou. » Chouf, Ahmad, il n'a pas dit « Ahmadoun ». Pourquoi? On va le voir. Prénom sous la forme d'un verbe. « Qala, wa hamzatou, kadalika. » Prénom sous la forme féminin. « Qala, hamzatou, wa hamzatou, taliban. » Ou Ahmed ou Hamza tout taliban, c'est-à-dire Ahmed et Hamza sont des étudiants, deux étudiants. Qala Ahmed un talibun mujtahidun, wa Hamza tout talibun kaslanu. Ahmed est un étudiant sérieux, Hamza est un étudiant paresseux. Qala Yusuf, très paresseux, on pourrait dire. Parce que kaslanu, c'est sirat mubalara. C'est pour accentuer la paresse. Très paresseux. Comme tu dis, Ar-Rahman, très miséricordieux. Ghadban, très en colère. Alif Noun. C'est plus que. Comme tu dis, Hada Ghadb, il est énervé. Comme tu dis, Hada Ghadban, il est vraiment énervé. Hada Atish, il a soif. Hada Ashan, il est assoiffé. Qala Yusuf, Indi Khamsatu Aklam. Hada Qalamun Ahmaru. Wahada Qalamun Azraku. وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. يوسف a dit qu'il avait qu'il a 5 stylos. Non, c'est plus dire qu'il a en sa possession. Il a en sa possession. Il y en a marre. Ah là, il est un verbe défectueux. Il a en sa possession 5 stylos. Celui-là. Celui-là est Ahmar rouge, un stylo rouge. Celui-ci est un stylo bleu. Celui-ci est un stylo vert. Celui-ci est un stylo noir. Celui-ci est un stylo asfar. Jaune. Jaune. Jaune. Jaune. Reste pas encore. Si, reste. Qalat. Sauf, on l'a vu de toute façon ça. Qalat Zainab. T'as Qalat. Féminin. Féminin, ensuite, tu rajoutes ta Ta'anith. La marque du féminin. Lakin al-fa'il, c'est qui? زينب. قال زينب عندي مناديل كثيرة. مناديل. لا بدي مناديل. Pourquoi on va le voir? Parce qu'il est sous le وزن de مفاعيل. Et tout ce qui est sous le وزن de مفاعيل. Ils appellent ça صيغة منتهى الجموع. C'est, tu vois pas le pluriel, c'est la fin du pluriel. Il y a plusieurs sortes de pluriel et ça c'est la fin du pluriel. قال عندي مناديل كثيرة. هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق. زينب a dit qu'elle a en sa possession beaucoup de mouchoirs. Celui-ci est blanc, celui-ci est jaune, celui-ci est rouge, celui-ci est bleu. نعم. قالت لها فاطمة عندك من نعم منديل أخضر. فاطمة lui a demandé. نعم. Est-ce que tu as un mouchoir vert? نعم قالت لا ما عندي منديل ومن منديل أخضر. Elle a dit non, je n'ai pas de mouchoir vert. قال طلحة. ما قال قال طلحة. طلحة. نعم. Est-ce que c'est un prénom? نعم. قال طلحة. قال طلحة عندي مفاتيح. كذلك مفاتيح ثم وزن كمنادي المفاعيل. عند مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. طلحة قال plusieurs clés. Celle-là, cette clé. une clé, yani une clé. Celle-ci est la clé de la chambre. Ah, celle-ci est la clé de la chambre. Celle-ci est la clé de du haqiba du cartable du sac. وهذا مفتاح السيارة السيرسي لكلي لا بوتو قال سفيان تمام نبدا نخش قال سفيان الفقاع parce que c'est il finit par alif nun et c'est un prénom et avant le alif nun il y a quoi trois lettres سفيان سين فا يا قال في بل في نعم في بلدنا في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة كثيرة نعم وفنادق قليلة نعم سفيان أهؤلاء عفوا أهؤلاء أطباء سبحان الله أزيد سفيان دي سفيان دي que dans son pays il y avait que dans son pays il y avait beaucoup de mosquées et d'écoles ou plutôt mais peu, que dans son pays il y a beaucoup de mosquées et d'écoles. Dans son pays, il y a beaucoup de mosquées et d'écoles, mais peu d'hôtels. Et ceux-ci sont-ils des médecins ? قال لا هم مدرسون وهم علماء كبار. Non, ce sont des professeurs, des enseignants et des savants, des grands savants. نعم, des grands. تمام, علماء, comme on a pu voir, c'est même mosque quoi ? زملاء, فقراء. تمام على وزن فعلى 117 118. Donc là il nous dit انواع على الانواع التي من الاسماء ممنوعه من الصرف. Les noms qui suivent, les catégories de noms qui suivent sont ممنوع من الصرف, يعني c'est impossible, ممنوع impossible من الصرف et qui prennent le tanwin. Il nous dit les premiers c'est quoi? زينب ومريم وفاتي, il y en a qu'on va pas écrire parce qu'on a déjà fait. زينب ومريم وفاطمة وعائشة ومكة وجدة إلى آخره. Tu peux dire جدة, tu peux dire كذا كذا جدة. Ces noms là, la première catégorie de noms, c'est les noms, ça peut être des noms propres ou bien des noms de ville. C'est pas les noms communs, parce que les noms de ville, c'est pas un nom commun. C'est pas un nom commun, c'est un nom de ville, je sais pas comment on dit ça en français, à la kulli hal. Lakin, tout ce qui est en dehors des noms communs, d'un nom propre et autre. Ces noms-là, si jamais ils sont féminins, ma'anawi, comme Zainab, ne prend pas de tanwin. Zainab, Naham, Suhad, tous les noms propres féminins, ma'anawi, ils ne prennent pas de tanwin. Ceux qui sont ma'anawi, ils ne prennent pas qu'à des cas de tanwin. Comme c'est le cas de quoi ? Aisha, avec Temarbuta. Quand on dit lafzi, c'est que d'oral à l'oral, lorsque tu prononces, il est féminin. Aisha, pourquoi ? Parce qu'il y a la marque du féminin qui est le Temarbuta. Et Kazalika, ça rentre dedans les noms de ville ou bien les noms propres masculins qui sont sous la forme quoi ? Féminin. Talhatu. On a vu tout ça. Talhatu. Ubaïda. Hamza. Tous ces noms-là, ils ne prennent pas de tanwin. Pourquoi ? Parce que c'est des noms propres qui sont sous la forme du féminin. Donc ceux-là ne prennent pas de nom. Kadalika, la deuxième catégorie, Hamza, Oussama, Muawiyatu, Talhatu, tous ces noms-là, ils ne prennent pas de tanwin parce qu'ils sont des noms propres qui sont sous la forme du féminin. Ça veut dire que quoi en fait le but de cette leçon, c'est d'apprendre par cœur ces trucs-là. C'est apprendre par cœur les catégories. Que les catégories. Les catégories. Lakin, si toi, on peut faire un khulasa sur cela, c'est de dire. Comme Inch'Allah, on va lire à la fin. Moi, je l'écrirai, t'as bien. Et après, Ansari. Wanta, Mamnou, Mina Saf. Tabka. T'as bien. Donc là, la troisième catégorie de mots, c'est quoi ? C'est les noms propres, Kadalika. Les noms propres. Qui se finissent par un Alif et Nun. Alif et Nun. Lakin, qu'est-ce qui est conditionné pour cela ? C'est que le Alif, avant le Alif et Nun, il y a quoi ? Trois lettres. Soit une sifa. Là, il a parlé d'entre propres. On va voir les sifa. Le petit A, c'est quoi ? Prénom. Parce que Talha, c'est pas une sifa. Parce que ça peut être les sifa et ça peut être les prénoms. Ah, les noms propres masculins qui finissent par Alif et Nun. Alif et Nun. Avec lesquels il y a trois lettres avant. Il y en a. Abut. Non, Affan. Le fa, il y a quoi ? Chedda. C'est considéré comme trois. Ça fait trois. A. Comme s'il y avait le fa avec un soukoun et le fa avec quoi? Avec le fatha. Donc ça, c'est la troisième catégorie, c'est les noms propres qui se finissent par Alif ou Nun, dont le Alif ou Nun est précédé de trois lettres. Comme c'est le cas avec Uthman, tu ne dis pas Uthman, Nun. Tu ne dis pas Kadeka, Affan, Nun. Tu ne dis pas Kadeka, Sofia, Nun, voilà Marwa, Nun, voilà Nu'man, Nun. Nu'man, Nun, et l'akhir. La même chose avec quoi? Kaslam, Diohan, Rachan, Sha'ban, Sha'ban, Sha'ban, ou Mal'an. Kullu dhalika, kadhalika, ils ne prennent pas de tanwil. Pourquoi? Parce que là, c'est des sifas. Tu vas voir, Inch'Allah, dans le même nom de sarf, le même nom de sarf, il se repose sur deux choses. Premier lieu, c'est soit c'est une sifa ou soit c'est un nom. Soit c'est une sifa, soit c'est un nom. Après, les sifa, il y a plusieurs catégories sur les sifa. Qui se finissent par alif ou non, ceci et ça. Dans les noms, kazalika, il y a plusieurs quoi? Catégories. S'il est la forme d'un verbe, si jamais il se finit par naham, s'il se finit par alif ou non et kada wa kada. Il y a plusieurs catégories. Ensuite, là c'est une mail et nom propre encore. Le quatrième, il y a des noms propres qui sont sous la forme d'un verbe. Ahmed. Si je m'attends, tu dis Ahmedullah Azwajal. Ahmed. Hein? Qui a pour chaîne Af'al. Yani sous le nom, sous le wazn d'un verbe. Anwaru. Akbaru. As'adu. Ça, c'est que ce soit un prénom ou bien une sifa. Hein? Quand on voit les superlatifs, tu les écris comme ça. Ana akbaru menka. Tu dis pas ana akbarun menka. Pourquoi? Parce que c'est une caractéristique qui est sous la forme d'un verbe. Hein? Que ce soit à partir du moment que la sifa ou bien le nom ou la sifa, il est sous la forme d'un verbe, il ne compte pas tellement. C'est pour ça qu'il a dit la Akbar. Akbar, ce n'est pas un prénom. Tu vas me dire, on a vu que c'est les prénoms qui sont sous la forme d'un verbe. Les prénoms, et les noms, et Kadalika, les sifa. Akbarou, c'est une sifa. Anwarou, ça peut être un prénom. Et ça peut être Kadalika, une sifa. Hada Anwarou min Kadawaka. Vous avez entendu, Zalika al-Mustah, Anwar. Min Zalika, il donne plus de lumière que celui-là. Ou As'ad, c'est un prénom aussi. As'ad. Le frère de Shah al-Dahan, ça s'appelle As'ad. قال وابيض مثلا تمام ça c'est sifa يعني en vérité elle a voulu mettre les noms les sifa لكن اكبر اكبر يعني je connais pas qui s'appelle اكبر انوار معروف اسعد احمد اما اكبر c'est pas un prénom mais bon j'ai jamais entendu ça. Et nous dit la suite là, le petit b c'est quoi? Tout ce qui est pareil sous la forme d'un verbe qui est une sifa. Abyad تمام généralement c'est utilisé pour quoi? Le superlatif. هذا أبيض من ذلك هذا أسود من ذلك أحمر من ذلك أصفر من ذلك أخضر وأزرق. لا كذلك إيش؟ c'est les couleurs. لكن une couleur c'est une caractéristique. Tu dis هذا أبيض. C'est pas pour dire qu'il est plus blanc que l'autre. لكن c'est une couleur. On va voir. Mais ça c'est pourquoi? Pour les choses qui sont masculines. Tu dis هذا القميص أبيض. Alors si tu veux dire مثلا tu veux dire مثلا le cartable. Il est blanc. Tu veux dire هذه الحقيبة بيضاء. Ça c'est pour le blanc, mais quoi? Pour le masculin, pour le féminin, je veux dire. Donc il y a un nerf comme un nerf, et il faut qu'il s'accorde, comme on a dit, en genre et en nom. En genre et en. Tu veux pas dire, هذه الحقيبة أبيض. C'est une khata. Parce que حقيبة c'est quoi? Féminin. Donc ce qui suit après, si tu veux lui ramener une description, avec un nerf, il faut que ça soit quoi? Kazalika, féminin. C'est أبيض, c'est masculin. Donc, tous les prénoms, pareil, il y a un Bayda, on va le voir, c'est ça. Il l'a pas mis, mais qu'est-ce que c'est? Je ne prends pas, ils sont même en sorte. Je ne dis pas Bayda. Hein? Bayda, où? Il n'a pas mis Bayda, féminin. Non, il n'a pas mis, On verra plus tard, ça. Là, le cinquième catégorie de mots qui veut nous faire comprendre, c'est quoi? Les prénoms qui sont quoi par arabe? Non arabe. A'jami. Al-Ujm, avec Al-Alam. Que disent le Ujm, c'est les choses qui ne sont pas arabes, et c'est un nom propre, ça ne prend pas de tamim. Williamou, tu n'iras pas Williamou. Tout prénom qui n'est pas arabe, t'as et le truc qui est Yushtaratfihi, qui est conditionné, qui a trois lettres, plus de trois lettres. Nuh, c'est pas arabe. Lakin, il a trois lettres. C'est pour ça qu'il n'est pas même nom d'Asaf. Il faut qu'il ait plus de trois lettres. Nuh. Il faut qu'il ait plus de trois lettres. S'il est en dessous de trois lettres, s'il a trois lettres ou moins, il n'est pas arabe, il prendra une tanwin. Trois lettres ou moins, qui n'est pas arabe, il prend une tanwin. Trois lettres, il y en a plus de trois lettres, et qui n'est pas arabe, il ne prend pas de tanwin. William, wa, lam, yamim, quatre. Idris, je crois que c'est Ishaq, je ne sais plus comment, non. Et Dordo, Il y a combien? 5 lettres. London, Kadalekash, les noms de ville. Comme ça, c'est les noms propres. Attends, je crois qu'ils disent comme ça, nom propre, pour les noms de ville. London, il y a les nombres. Paris, combien? 1, 2, 3, 4, 5. Pakistanou. Bagdad, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yunus, Yusuf, Kulahadihi, c'est quoi? Ce sont des noms propres qui ne sont pas arabes et naham, qui ont plus de trois lettres. Le sixième point, ou plutôt catégorie, c'est quoi? Les noms propres, ou plutôt les sefa, qui sont les pluriels qui sont sous le wazn de af'ila. Af'ila. Les pluriels qui sont sous la forme de quoi? Fu'ala, fuqara, wuzara, zumala, ulama, umara, et l'akhiri. Ceux qui sont sous la forme de mafa'il ou fawa'il. Les deux. Mafa'il ou bien fawa'il. Mafa'il, مثل masajid. Mafa'il. Madaris. Fawa'il, مثل فنادق. فنادق c'est quoi le وزن? C'est فواعل. فواعل. تم كاتب مفاعل. دقائق. دقائق il a écrit sur فعائل. Ça je vais arriver au truc de centre, les وزن. On va s'assurer ça. تمام. مناديل. مناديل. مفاعل. مفاعل. معروف. مفاعل. C'est comme مفاعل لكن عش تخرجت على. مفاعيل مفاتيح تمام كذلك فناجين تكو فناجين تكو فناجين الجمع تكو فنجان فنتس فنتس فنتس فنتس الفنجان تم فنجان كراسي كذلك كرسي دونك تو سي Shabla, comme on a dit, c'est Aouzan, ces formes-là. Ce sont des formes qui ne prennent pas de tanwin. Surtout les dernières. Af'ila, Fuqara, Masajid. Je veux dire, Mafa'il, Fawa'il, Fa'alil. Tout cela, ils ne prennent pas de tanwin. Comme on va le voir, c'est des diab'a, Muntaha, Al-Jumu'a. Vous avez le son, c'était sur ça. On regarde le mot. Après il dit يقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع الضبط أو آخرها نعم ça c'est فخشة نعم فخشة شو لأنه عمان كلمة الجديدة لأنه نفوك الفوكابلاه donc فنجان comme on appelle voir c'est le diable de quoi فناجين تعمل une tasse des tasses ou plutôt la tasse des tasses المدرسة معروف la classe l'école مدارس ce sont pluriels المسجد تعمل c'est la mosquée ou bien ça peut être l'endroit où tu te prostes en Qadnabi sallallahu alayhi wa sallam. Naham. Le Hatta c'est Ayala. Ils disent que c'est quoi le Ma'ruf? Al Masajid, ils disent quoi? Al A'dha. Les membres sur lesquels tu te prosternes. Al Masajid, là c'est quoi les membres sur lesquels tu te prosternes? Ils disent qu'Azalika c'est l'endroit où tu te prosternes. T'as les lieux où tu te prosternes. Les deux c'est Sahih. Parce que ton corps est à Allah Azza wa Jalla. وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنيفا وكذلك وجهت وجه الذي فطره وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره الى معروف ça c'est parmi les choses que tu dis quand tu es en sujoud et نعم je veux dire par rapport à Masjid et نعم quand Nabi Sallam dit وإن الملائكة يسألون على أحدكم ما دام في مسجده الذي صلى فيه parmi les mérites de fait lorsque tu pries ouais. C'est de rester à ta place lorsque tu pries afin que le malaïka il prie sur toi et il demande pour toi le pardon à partir du moment où tu n'y vas personne et que le ma'alam yudafihi ma'alam yuhadithfihi que tu ne prends pas les ablutions et là ils disent que tu ne fasses pas de bid'ah parce que le bid'ah c'est yudafihi ça rentre dedans. على كل حال الذي كنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مسجده الذي صلى فيه يعني dans l'endroit où tu as prié c'est un endroit où tu as prié ça s'appelle un masjid c'est l'endroit où tu t'es prosterné pourquoi parce que c'est l'endroit où tu t'es prosterné certains ulama ils ont mal compris ce hadith là ils disent qu'à partir du moment qu'il est rentré dans la mosquée plutôt que tu es dans la mosquée Même si jamais, مثلا, tu t'as pris ici, ensuite tu tombes dans la mosquée, il dit, tu vas voir quelqu'un le même acte. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la mosquée. Tu vois, le musulman a dit, madame a fi masjidihi. Lakin, masjidihi. Le fait que le masjid il est annexé à toi, ça montre quoi? Une possession. La mosquée ne t'appartient pas. Donc ça montre que c'est pas c'est faux. Parce qu'Allah il dit quoi? Wa anna al-masajid lillah. Les mosquées sont, ils appartiennent à Allah Azza wa Jalla. Lakin, ce qui est voulu là, c'est l'endroit où tu étais prosterné. Parce que ça, ça t'appartient à cet endroit. Parce que Hatta Nabi Sallam dit quoi? Alladhi salla fi. L'endroit où il a pris. Et Hatta Kama Kulta, Nabi Sallam dit, t'as pas l'air d'une personne qui s'est assise. Je me suis assis là, tu te lèves pas, yani, tu te lèves pas de sa place. Là, ce qui est voulu, c'est la place où il a pris. La place, on peut l'annexer. On peut l'annexer. Amma la mosquée? Non. Dame, donc il nous dit, Ad-Daqiqa, c'est la minute. Daqayak c'est 10 minutes. Qala, il a dit. Qalat, ça peut être la forme infinitive ou bien qala huwa. Qala, il y a le verbe parler ou qala huwa, il a dit. Et qalat, on va finir, je vois. Al-mindil, on a vu, mouchoir. Menadil, c'est pluriel. Al-miftah, marouf. Mafatih, katalika, c'est pluriel. Abiyadou, c'est blanc. Pour ce qui est. Là, c'est un cas, un qualificatif pour une chose masculin. C'est pas tout blanc. Parce que nous, en français, le blanc, c'est utilisé pour le masculin et le féminin. Amma l'arabe, dans l'arabe, non. T'as le blanc pour le féminin et le blanc pour le masculin. Abiyad, bayra. Ahmar, hamra. Akhdar, khadra. La même chose. Azraq, ou aswad, sawda. Imra'atun, sawda. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس لي عطاء قال ألا أراك امرأة من الجنة فقال نعم فقال ألا أراك يعني رجل أو امرأ من الجنة أو شخص من الجنة نسيت كيف قال فقال نعم قالت تلك المرأة سودة يعني كانت يعني تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا بلاء يعني خذ في لبس الشيء بس كنا حلي إلى دي تلك المرأة سودة تفهم نوع نوع أحمر أخضر تيجي قا خضراء حتى يديز قا لا لا مرحب الخضراء المطعم كصنعه الركن الخضراء الركن الخوضة الخضراء ما شيء بكم يلا أسود سوداء أزرق زرقاء زرقاء زرق بيضاء سوداء حمراء تمام اصفر صفراء تمام تو ليكري كوم سا تمام توت لي ميم توت سا سي بور الماسكولين سا سي بور الماسكولين مي لا توت سكو تيكري سي بور لو فوالا لو فيمينين سي كوم سا صفراء بوكو اصفر تمام اصفر Safra, la même chose pour les autres. Tu prends la même chose, là, tu enlèves le truc, la première lettre, et tu rajoutes quoi? Alif ou Hamza. Et tu mets l'échec là. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghaysu. Bayda ou min ghaysu. Bayda. Pourquoi c'est quoi? Il a dit quoi l'yad? L'yad c'est quoi féminin? Deux, c'est féminin. Deux. Donc la leçon, elle tourne autour du même nom, Minasar. Et ça, c'est l'une des plus grandes leçons après quoi? Le Mubtada al-Khabar. C'est le plus important, le Mubtada al-Khabar. La leçon numéro 1. C'est dans le tome 1. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.